Content d'être finalement parmi vous ce matin. Vous avez les salutations de mon épouse et les quatre enfants que j'ai laissés finalement sur le bord de l'autoroute. Non. je les ai ramenés à la maison, on a eu un problème de véhicule, mais au moins on a pu se rendre. Mais j'avais déjà un rendez-vous demain matin chez le garage, au garage. Fait que donc, au moins, il s'est déjà pris. La dernière fois que ça m'est arrivé d'être aussi en retard, courir dans une église, j'avais été dans une église sœur sur la rive sud, et j'arrive pour partir avec la famille, puis la porte de la vanne en arrière ne marchait pas. Fait que bien sûr, tu ne peux pas asphyxier tes enfants. Alors finalement, je pars en retard avec la petite Yaris, je m'arrive à l'église quelques minutes en retard, j'arrive là, j'arrive en avant, je ne me mets pas d'Internet, puis j'avais besoin de l'Internet, je donne mon téléphone pour qu'il se plug sur l'Internet. L'ordinateur n'avait pas encore vu d'Internet depuis bien longtemps. 50$ sur mon cellulaire en data supplémentaire. Je sors finalement de l'église. Il y a un policier qui est à côté de mon véhicule. Je n'ai pas de contravention, mais il dit, « Monsieur, c'est votre véhicule? » Il dit, « Oui, c'est parce qu'il y a une gratte de la ville qui est passée. » Puis, il a crié sur mon véhicule. On était supposé dîner avec le pasteur, mais là, ma famille est à la maison. Fait que je repars pour aller les chercher, pour essayer de trouver une solution. Sur l'autoroute, j'ai failli me faire prendre un sandwich par deux dix-rouges. Vraiment, là, quelle journée! On arrive finalement chez le pasteur en fin d'après-midi pour qu'il ne sache pas si ses enfants étaient malades. Les miens sont tombés malades par la suite. Et alors, j'espère qu'aujourd'hui, ça va être plus calme et que le retour va mieux se faire. Mais on prend la Sainte-Seine, la dernière chose, on prend la Sainte-Seine, puis... Le pasteur qui était là a étudié chez les réformés, puis souvent chez les réformés, mais ils prennent avec du vin plutôt que le jus de raisin. Et là, fait que ça passe, puis si tu n'attends pas que c'est du vin, c'est comme « Ugh! » Fait que je vais voir le pasteur à la fin, je dis « Hey, ça fait-tu longtemps que tu as restauré le vin? » « Non, c'est pas du vin. » Il dit « Ben, ça se peut que la petite madame qui s'en occupe, elle n'est pas toujours à ses affaires. » Il avait fermenté dans le frigidaire. Alors, on aime les bénévoles, merci Seigneur. Il y avait une pancarte dans une église que j'ai visitée une fois, c'était marqué « Avant de critiquer un bénévole, assurez-vous que vous pouvez le remplacer. » Alors ici, une photo que Richard a volontairement prise devant l'église, donc Cathy, et dans l'ordre à droite, Marie-Maude, 8 ans, Thomas, 6 ans, Rebecca, 4 ans, et celle qui a l'air d'une philosophe qui est en train de réfléchir, c'est ma petite Chloé, 2 ans. Alors, par la grâce de Dieu, on va sortir finalement de l'époque des couches. On remercie le Seigneur, c'est vraiment une belle bénédiction qu'ils peuvent commencer à s'attacher eux-mêmes, manger eux-mêmes et tout ça. Donc, nous sommes à Oasis. Donc, 4 aspects un peu à notre ministère. Vous avez eu la chance d'avoir Richard qui a partagé un peu plus tôt. Je suis persuadé qu'il vous a dit merci parce que cette église, vous nous soutenez. Merci beaucoup pour ça. Et je ne sais pas exactement ce qu'il dit, j'espère que je ne me radoterai pas trop. Mais quand même, 4 aspects, je dirais, à mon ministère. En même temps, je suis à Oasis, je suis aussi à Sambec depuis juillet dernier. Donc, un peu, quelques nouvelles de ce côté-là. Donc, premièrement, le premier aspect, équiper des leaders. Je vais juste passer ça avant de m'enfermer dedans. Merci. Équiper des leaders au sein de l'église locale pour qu'ils puissent se reproduire dans d'autres. On était à la graduation de Sambec vendredi soir, puis on avait 11 diplômés. Et on se rend compte, wow, c'est le fun de pouvoir, comme Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres qui vont trouver des hommes fidèles à qui ils transmettent. Une des joies que j'ai pour en nommer une à l'Église, c'est qu'on a un groupe qui s'appelle les Compagnons. Donc, ça fait un peu rustique, là, mais quand même, l'idée, c'est de marcher ensemble. Et une de mes plus grandes peurs, une de mes plus grandes craintes, c'est de me retrouver, quand je vais mourir, je vais me retrouver devant Dieu. Et Dieu va me poser une question. La question que j'ai peur qu'il me pose, c'est celle-ci. Pourquoi les as-tu encouragés à jouer à l'Église? Il y a réellement, en tant que pasteur, tu as toujours une crainte d'être un bon animateur de vie spirituelle. T'sais, oui, on peut faire un bon dimanche matin, on peut faire de la bonne musique, on peut être là, mais est-ce que ça l'a fait une différence dans la vie des gens, dans le cœur des gens, dans les couples? Alors, quand j'ai parti le groupe des hommes, on a décidé qu'on mangerait ensemble toutes les semaines. On a commencé chez moi dans le sous-sol. On a dû changer parce qu'à un moment donné, on riait tellement que les enfants n'arrivaient pas à se coucher le soir. Mais on a décidé qu'on mangerait ensemble, qu'on lirait la Bible, qu'on prierait, mais aussi qu'on on se confesserait les péchés les uns aux autres. Je ne savais pas trop s'il y en avait un qui reviendrait la semaine d'après. Parce que vous savez, c'est écrit dans un verset qu'on aimerait des fois qu'il soit apocryphe, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans la Bible, mais il est là. Jacques 5, verset 16, « Confessez les péchés les uns aux autres, et vous serez guéris, slash sauvés, slash libérés. » Intéressant. J'avais un ancien en formation dans une église précédente qui lit ce verset-là, on était dans un... Il se tourne vers l'autre et il dit, « L'avais-tu déjà vu, toi? » C'est à quel point, parce qu'on... Ben non, on n'est pas catholique, nous, on confesse, là, à Dieu. Ben, c'est facile, les choses qu'on est capable de faire devant Dieu. Ben, on pardonne facilement qu'on est devant Dieu. On est humble facilement qu'on est devant Dieu. On confesse nos péchés facilement qu'on est devant Dieu. L'apôtre Jean nous dit quoi? Si tu dis aimer Dieu, mais que tu détestes ton frère, ou ta femme, ou ton mari, ben, tu es un menteur. Le Seigneur veut qu'on amène concrètement, hein, notre relation n'est pas juste comme ça, il veut qu'on ait une relation comme ça aussi avec les gens. Et donc, ce petit groupe-là, on se pose 6 questions, hein, on essaie de se poser assez souvent, puis des fois les gars disent, ouais, mais là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé les questions, il faudrait recommencer. Parce que ça fait une différence dans leur vie. 6 questions. La première question, c'est est-ce que le Christ a été réel pour toi cette semaine? Pas juste est-ce que tu as lu ta Bible, est-ce que tu as prié. Non, non, est-ce que Jésus est une réalité pour toi dans ta vie? Deuxième question, c'est est-ce si on posait la question à ta femme ou à tes enfants si tu as été présent pour eux cette semaine? Qu'est-ce qu'ils diraient? Troisième question, quel serait un obstacle dans ta marche avec Dieu? Quatrième, c'est la liste des divers péchés sexuels. Cinquième, et là c'est drôle parce que dernièrement, les gars ont travaillé les questions pour les tweaker. Vous savez, on peut toujours comme trouver une façon d'éviter la question. Puis là, on a mis les gars ensemble, on dit, OK, comment qu'on fait là, que vous évitiez plus les questions? Les gars l'ont même mis un peu plus fort, ils ont posé la question, où est-ce que tu en es dans tes offrandes? Puis la sixième et dernière question, est-ce que tu viens de me mentir? Mais ça fait une différence. Et les femmes nous disent que ça fait une différence dans leur vie, leurs époux. Puis dernièrement, en étant à Sainte-Bec en partie, je peux moins être là aux compagnons. Puis on a posé la question, est-ce que vous voulez qu'on le fasse aux 2 semaines? Puis les gars ont dit, non, on continue à le faire à toutes les semaines. Et moi, ça me dit, wow, il y a quelque chose dans la vie de ces gars-là. Et ce qui est un peu étrange, c'est un des groupes dans lequel il finit par avoir le plus de non-chrétiens qui viennent visiter. Là, tu dis, mais il me semble que tu es à job, puis tu dis, hey, ça te tente-tu, viens manger avec une gang de gars, puis on va confesser nos péchés? Tu sais, c'est comme pas vraiment. Mais ce qu'on dit aux gens qui nous visitent, c'est on est content de te voir. Il dit deux, il dit, premièrement, il dit, aujourd'hui, tu as un free pass. C'est-à-dire que tu vas aller dans un petit groupe quand même, tu n'es pas obligé de partager. Mais sache que si tu reviens la semaine prochaine, on va t'inviter à partager avec nous. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'ils voient, hein, des fois les gens ont l'impression que les chrétiens sont des gens qui les regardent de là, du haut de leur moralité, puis ils les regardent de haut, puis là, ils voient une gang de chrétiens qui ont les mêmes luttes, les mêmes choses que eux, mais ils les voient avec une attitude d'humilité puis un désir de dire, moi, je veux être un meilleur chrétien, un meilleur mari, un meilleur père, une meilleure personne. J'ai besoin de la grâce de Jésus pour être transformé. Puis ça fait toute une différence. Un deuxième aspect qui me permet de faire, c'est d'écrire. Ça fait plusieurs années que le Seigneur me donne la chance d'écrire. 2 livres cette année, première année que je fais 2 livres en même temps, même que c'est une nouvelle parce que personne d'autre le savait à part vous aujourd'hui. Intime avec Dieu, que le lancement est le 8 juin. C'est un livre qui est depuis longtemps sur mon cœur. Ça dit, mais comment est-ce que tu t'approches de Dieu. La Bible dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais comment tu fais ça? Puis le Seigneur nous a laissé une liste de choses qu'on appelle des disciplines spirituelles, c'est-à-dire la prière, la lecture de la Bible, les uns les autres, l'évangélisation. Comment est-ce que je connais Dieu et je m'approche de Dieu plus au travers de ces différents moyens-là? Et celui qui sortira à l'automne, pour moi, vivre, c'est Christ. Un de mes versets favoris de toute l'Écriture. Parce que nous, on vit toujours pour la retraite. Ça, on espère un jour, liberté 55, maintenant c'est plutôt liberté 75, là. Mais un jour, je vais pouvoir jouer au golf, puis je vais pouvoir faire ce que je veux. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur nous appelle? C'est quoi vivre pour Christ dans une société de loisirs? C'est quoi? Et ce livre, comme je le dis avec humour, ce livre est né un dimanche matin, un lundi matin, la journée supposément off des pasteurs. Et quelqu'un m'avait appelé, il me dit, écoute, il dit, je suis dans le coin. Tu sais, lundi matin, pasteur, il sait, il ne devrait pas répondre au téléphone. Mais il a répondu au téléphone. On est dans le coin, mais c'est parce que d'habitude, leur coin, c'est à une heure de l'église dans l'autre bord. Fait que tu te doutes de quelque chose. Et bon, ils arrivent, parlent, jase, puis on est. Pasteur, je ne sais pas comment dire ça, mais ça fait deux dimanches qu'on dépasse de 10 minutes. M'a réveillé un lundi matin. Je n'ai pas dit ça, là. J'ai agi pastoralement. J'ai dit au Seigneur après. Je dis, on dit qu'on veut sauver le monde. Oui, prends tout, Seigneur, mais pas ça. Oui, prends tout, Seigneur, mais pas ça. Puis, on est là, hey, ça fait 10 minutes. J'avais un ami, un diacre en arrière qui voulait le dire au pasteur qui prenait un peu trop de temps. Fait qu'il montrait sa montre comme ça. Fait que le pasteur dit, je remercie le Seigneur, notre frère veut donner sa montre au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour Christ? C'est une chance, vous savez, un bon vendeur au Québec dans les livres francophones chrétiens, c'est 400 copies. 400 copies, là, c'est pas beaucoup. Si l'auteur fait 2 $ par livre, par exemple, il y a 800 $ pour près d'une année d'écriture, de lecture, le fait que ça soit publié. Publication chrétienne, qui n'est pas très loin ici, vous savez, aucun livre est traduit sans qu'il y ait des donateurs pour traduire le livre. Fait que c'est un défi d'écrire et de produire. Et donc, je vous encourage à encourager, que ce soit publication chrétienne, les écrivains, ou on fait une conférence vers la fin de l'année qui s'appelle « Écrivains chrétiens du Québec ». Peut-être que toi, tu as à cœur d'écrire. Tu dis, ah, mais ça, je m'étais dit, un jour, je vais écrire. Mais tu peux. Puis des fois, mais le manuscrit ou l'idée que le Seigneur a mis dans ton cœur, mais c'est peut-être justement le temps, parce qu'on a besoin. Comme disait un pasteur, un de mes amis pasteurs qui est décédé récemment, quand il approchait quelqu'un dans l'église, il disait, le Seigneur a besoin de toi. Mais le Seigneur n'a pas besoin de nous, dans le sens où on est des ouvriers inutiles, mais peut-être que le Seigneur choisit de t'utiliser. Peut-être que tu dis, ah, comment c'est possible? Conférence à la fin de l'année, on donne plein d'ateliers, d'idées, de contacts pour faire les premiers pas ou publier. Une troisième aspect à mon ministère que j'ai la chance, c'est au travers le ministère Action, qui est un ministère de défense de la foi. J'ai eu la chance d'aller à la radio de Radio-Canada, à l'émission de Mme Perrin l'année passée. J'ai prié longtemps parce que Mme Perrin, si vous l'écoutez, elle n'est pas très gentille des fois avec les gens qui viennent à son émission. Et il y avait un sondage qui avait été fait au Québec. Combien de Québécois croient que la Terre a été créée? 60% de Québécois ont répondu qu'ils croyaient qu'il y avait un créateur qui a créé la Terre. Et là, bien sûr, Radio-Canada voulait avancer l'idée. L'hypothèse de la raison pour laquelle je suis venu en entrevue, c'est combien peut-il y avoir 60% d'imbéciles au Québec? Mais ça a été vraiment fantastique. La capsule est sur notre site à Association Axiome. Et donc, c'est la chance de défendre dans les lieux publics, de défendre que ce soit à la radio, dans les universités. J'avais été invité au cégep de Maisonneuve pour présenter la foi chrétienne. Et on m'avait dit, avant ta présentation, il va y avoir une méditation. Mais tu sais, dans notre milieu, une méditation, c'est bon, il y a le premier qui fait une petite méditation biblique, puis après ça, tu as la prédication. Mais non, je suis arrivé là et c'était de la méditation, c'est-à-dire qu'il y avait un gros Bouddha immense au mur. Il était tout en rond, puis « Aum! » Fait que tu es là un peu mal à l'aise. Et après ça, tu présentes l'Évangile, puis tu aurais pu entendre une mouche voler. Jusqu'au moment où il y en a un qui a posé la question. Il a dit, « T'es-tu en train de nous dire que Jésus est le seul chemin? » T'es prêt à nous entendre là, jusqu'à ce moment-là. Et après, il y a un jeune homme qui vient me voir dans le bureau en arrière, puis il me dit, « Ça fait 3 ans que je suis dans ce groupe-ci parce que je cherche. » C'est la première fois que j'entends ce soir ce que je cherchais. Mais moi, j'ai une question. Il dit, moi, je suis gay. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Il y a des questions profondes. Puis les gens, on pense au Québec que les gens sont fermés. Ou qu'il faut les convaincre intellectuellement. Mais dans la réalité, les gens sont très ouverts. Je pense qu'on tape des fois sur le mauvais clou. On pense que, voyons, si je peux les convaincre intellectuellement, savez-vous le nombre de Québécois qui vont voir des 10 heures ou des 10 heures de Bonaventure? J'avais une voisine ma femme l'avait rencontrée dans un cours de pousse-poussette, cardio-poussette, c'est pour ça qu'on appelle ça pousse-poussette. la femme dit à mon épouse, « Depuis que j'ai des enfants, j'ai peur de mourir. S'il y avait une façon d'avoir la vie éternelle, j'aimerais ça qu'on me le dise. » On y a dit. Mais c'est intéressant, hein, parce que quand tu reçois l'Évangile, puis tu entends l'Évangile, bien, il y a plein de raisons et de choses pour lesquelles tu ne veux pas laisser aller. Et elle cherchait un emploi, hein, puis elle nous disait qu'elle allait voir cette diseuse de Bonaventure. Alors moi et mon épouse, on a commencé à prier que tout ce que la diseuse de Bonaventure lui dise ne marche pas. Quelques mois après, elle m'écrit, puis elle sait qu'on prie pour elle. Elle dit, hey, j'ai eu la job, puis ta. Je dis, écoute, je suis vraiment content. Elle dit, mais il faut que vous continuiez de prier pour que j'aie une permanence. Je l'ai regardé, je dis, j'ai une confession à faire. Elle dit, quoi? Elle dit, bien, on a prié que tout ce que la diseuse de Bonaventure te dit n'arrive pas. Quand ça ne s'est pas arrivé, bien, on a commencé à prier pour que tu aies une job. Fait que si tu n'as pas eu de job jusqu'à maintenant, c'est de ma faute. Ça crée un malaise. Mais je peux te garantir une chose. Elle n'ira plus jamais voir une diseuse de Bonaventure sans penser à moi. Parce que des fois, les gens ont besoin justement de la puissance de la prière. Trop souvent, peut-être, c'est une puissance qu'on n'a plus nous-mêmes. On a eu la chance la semaine dernière de mettre dans cette même optique 175 personnes. Le Seigneur a été bon. On avait 164 places. Il y a 175 personnes qui sont venues. On s'est tassés un peu à Montréal pour les plus grandes questions qu'on pose actuellement. Vous savez, nos jeunes adultes, quittent la foi. Parce que des fois, dans l'Église, quand ils ont des questions difficiles, la réponse qu'ils ont, c'est « Pose-toi pas de questions. Le doute, c'est pas bien, ça vient du diable. » Mais le doute, la Bible, elle a des réponses. Puis des fois, il faut creuser un peu plus loin, il faut les aider, il faut accepter leurs doutes. Jésus en a accepté un qui avait un doute. Crois-tu? Je crois, Seigneur. Viens en aide à mon incrédulité. Je veux croire. Et nos jeunes posent des questions, donc on a créé un espace où on avait les questions les plus difficiles qu'on peut poser à la fois, comme par exemple, est-ce que la gauche laïque qu'on voit dans la société, est-ce que c'est plus moral que la Bible? Eux autres veulent faire la paix, ils sont pour les droits des animaux, ils sont pour ci, ils sont pour ça. Est-ce que ce n'est pas nous qui est arriérés? Vous savez, quand nos jeunes sont au cégep à l'université, ils se font dire ça à longueur de journée. Même en maternelle, ça commence. Mon kid de maternelle m'est revenu dernièrement avec une question difficile. Mais déjà en maternelle. Donc on a besoin de pouvoir équiper nos jeunes à aller plus loin. L'année prochaine, on aura d'ailleurs une conférence qui s'appelle « Libre arbitre, déterminisme, prédestination, libre choix, liberté et conditionnement ». La fameuse question, là, si Dieu est souverain, comment est-ce que l'homme peut être responsable ou libre? Si ce matin, tu as mangé des alphabets et que Dieu l'avait vu de toute éternité, est-ce que tu aurais vraiment pu faire autrement? Poup! Mais justement, il y a des gens qui se posent, si tu ne poses pas la question, pose-toi pas la question. Mais si tu te poses la question, ben, c'est des genres de questions qui dérangent beaucoup, qui font que des gens, certaines personnes quittent la foi et disent « Ah, voyons, je ne comprends plus rien. » Et quatrième chose, c'est l'occasion de pouvoir enseigner des cours au travers SEMBEC ou de former cette prochaine génération d'ouvriers qui sont là. Il y a quatre aspects à notre ministère qui sont divers, mais qui se complètent sous une chose. On est là pour former des gens, pour amener des gens à Jésus. Vous savez, notre mission, là, qu'on soit à Victoriaville, qu'on soit à Saint-Eustache, elle ne change pas. C'est la même. Amener des gens au Seigneur Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour l'Église de Victo, Seigneur, qui soutient Richard et moi au travers leur ministère. Seigneur, que tu puisses faire fructifier cette église, que tu puisses les amener. Ce qu'on veut, Seigneur, c'est des églises vibrantes qui amènent des gens à toi, par ta grâce. Aide-nous à être transformés, aide-nous à voir le cœur transformé. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être comme toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dans le temps qu'il nous reste, j'aimerais ça que vous ouvriez en Matthieu chapitre 7, un passage que nous connaissons tous et un passage qu'on aimerait des fois ne pas connaître, de notre Père. Vous savez, il y avait dans mon église précédente un homme dans la cinquantaine, il était un Français, c'est pas de sa faute. Il était venu au Canada pour trouver un emploi. Il a eu l'impression que Dieu lui avait dit « pars dans la terre promise ». Puis il est arrivé ici, puis le signal, silence total. Puis là, il était découragé, il y avait plein de jobs qui n'ont pas marché. Mais un jour, il nous arrive à l'église, il y avait un job qui s'était ouverte, être gérant dans une librairie chrétienne. Il dit « wow, c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé ici ». Alors, il vient à l'église, il dit « priez pour que j'aille la job ». Sauf que là, il y avait un problème. C'est parce qu'il y avait trois autres personnes qui avaient appliqué sur le même emploi. Trois autres chrétiens. Trois autres personnes qui avaient retourné à leur église et leur avaient dit « wow, j'aimerais tellement ça avoir cette job-là, priez! » Mais là, le gars, qui va avoir la job? Celui de l'église qui prie le plus fort? On voit ça dans les églises, dans les équipes de football américaines avant le match. Ils se mettent à genoux, pointe en haut. Mais à qui la victoire va? À celui qui a le plus de chrétiens sur son équipe? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Est-ce qu'il y avait une femme, quand j'étais ado, elle avait des complications pour la grossesse, on nous avait demandé de prier. Mais là, je me dis, si on est plus de personnes qui prient, est-ce que ça fait une différence? Ou pas du tout? Il y a des questions comme ça, on dit, mais on va aller à la librairie chrétienne, puis on va prendre les 7-8 livres sur la tablette qui parlent de la prière. Sauf que le problème, c'est souvent, c'est que le livre A contredit le livre B, qui contredit le livre C. Comment tu sais? C'est pas, est-ce que la prière est un levier sur Dieu? C'est une genre de machine à coke. Blong, blong, blong, blong, blong. Là, tu choisis ce que tu veux. Quand tu ne l'as pas, tu commences à taper dessus. Est-ce que c'est des armes dans un combat spirituel? Dans un passage de la Bible en Daniel est en train de prier et de jeûner, puis il sait qu'il y a un ange qui est bloqué dans le ciel, parce que 21 jours après, un ange vient le voir et lui dit, « J'ai été bloqué pendant 21 jours par un ange qui m'empêchait de venir. » Jusqu'à temps que l'archange Michel arrive, puis il se bat contre lui pour me permettre de venir. Puis là, certains ont parti dans des séries de livres complets en disant, « Mais écoute, la prière, c'est une usine de munitions spirituelles. » Il y a juste un verset qui nous dit quelque chose, mais il faut faire attention sur tout ce qu'on met sur ça. Où Dieu a besoin de nous. Vous l'avez entendu, c'est une superbe citation, les folks. La prière, ça fait bouger la main de celui qui fait bouger le monde. C'est beau, hein? Mais c'est faux. Tu n'es pas en train de... La prière, ce n'est pas une manipulation de Dieu, là. D'autres vont voir la prière comme une protection. C'est comme quand on a une vieille minoune. On prie avant, « Seigneur, envoie des anges tenir toute l'auto ensemble. » Ou d'autres finissent par dire, « Mais pas besoin de prier, Dieu connaît tout. » S'il y a un point sur lequel tout le monde s'entend, c'est que la prière est importante. Martin Luther, le grand réformateur, disait « Dans mes journées normales, je prie 3 heures. » Wow, ça c'est avant Facebook, Instagram, tout le kit. « Mais dans les journées où je suis vraiment occupé, j'en prie 4. » Chaque fois que je prêche sur la prière, je me sens mal. Puis souvent les gens aussi, des fois qu'on sort d'une réunion, d'une prédication sur la prière, on se sent mal aussi. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne prie pas assez. Mais si personne, et je ne crois pas que, honnêtement, dans tous les livres que j'ai lus sur la prière, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était satisfait de sa vie de prière, puis qui dit, moi, là, j'ai atteint, je suis arrivé. Mais peut-être qu'on ne comprend pas exactement c'est quoi la prière s'il n'y a jamais personne qui se sent bien avec la prière. En Matthieu, chapitre 6, désolé, j'ai dit 7, mais c'est 6, Verset 7, « Ne faites pas de la prière une superstition, comme ces gens qui pensent qu'à force de répétition, telle une incantation, ils seront sauvés ou ils seront exaucés. Non, ne soyez pas comme eux, car avant même que vous ne le demandiez, votre Père connaît vos besoins. Ne faites pas de la prière une superstition. Vous savez, on a ça à la fin des journaux. Encore aujourd'hui, si tu pries cette prière 25 fois au Sacré-Cœur de Jésus, tu auras ce que tu demandes. Votre Père connaît vos besoins. La prière n'est pas pour informer Dieu d'un fait nouveau. « Hey, Seigneur, savais-tu que… » Ah, ben là, je l'avais manqué. C'est comme si Dieu regardait son fil Facebook et il y en avait une couple qu'il n'avait pas vu. Non, on n'informe pas. Thomas d'Aquin, théologien médiéval, disait ceci, « Nous ne prions pas afin de changer les décrets de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a déjà décidé. » Quand Dieu parle avec Abraham, puis qu'ils sont en train de dealer, Dieu ne change pas d'idée. Dieu sait très bien ce qui va arriver. Nous ne prions pas afin de changer les décrets de Dieu, plutôt nous prions afin d'obtenir dans la prière ce que Dieu a décidé que nous recevrions par la prière. Jacques a dit quoi? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. No money, no candy. Ou vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, selon vos propres convoitises et passions. Seigneur, une Ferrari, s'il te plaît. Oui, mais il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je vous le donnerai, moi, mais il y a des, comme les contrats, il y a des fine prints. Parce qu'il disait, quelque part, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Les petits fine prints. Dieu a un plan et la prière fait partie de ce plan. Un de mes théologiens favoris sur la prière, Osby, dira ceci, « Qu'est-ce que prier, sinon de permettre à Jésus d'entrer dans notre cœur? Disons-nous bien que ce ne sont pas nos prières qui le font agir, c'est lui qui nous pousse à prier. » Voici comment vous devriez prier. Notre Père qui es aux cieux, que tous puissent connaître qui tu es et que tu puisses être reconnu pour Dieu. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit accomplie sur terre comme ce l'est au ciel. Bien sûr, Jésus vient nous dire de ne pas répéter les paroles vainement comme les païens. Mais dans l'Évangile de Luc, le texte dit « Quand vous priez, dites. » Il y a une part, nous on est allergique un peu des fois à notre Père parce que les catholiques prient le Notre Père. Mais notre Père, il est dans la Bible. Donc, c'est une belle prière. On peut s'inspirer de notre Père, on peut parfois le lire, le réfléchir. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Pas le « Hey, Jesus, buddy! » Il y a quand même une distance entre nous et Dieu. Ecclésiaste 5.1, ne te presse pas d'ouvrir la bouche en présence de Dieu, car il est au ciel et toi, tu es en bas. Il y a quelque chose, le début de la prière replace Dieu. Dans notre vie de prière, Dieu est le début, le commencement. Que ton royaume vienne sur cette terre. On pense souvent que le royaume de Dieu, ça vient à la fin seulement. Alors, on doit prier que le royaume de Dieu s'accomplisse sur cette terre, dans nos cœurs. Prier que la volonté de Dieu se fasse, c'est de prier que Dieu fasse sa volonté en nous. Des fois, on faisait ça avec les ados à l'église, on leur disait, on se met en rond et on va prier que le Seigneur vous mette à cœur qui est-ce que vous voulez qu'il vous ait dit cette semaine. Comme disait un de mes amis, la prière, c'est dangereux. Dieu pourrait répondre. Pas parler à Dieu qui me fait peur. C'est quand je me tais que j'ai peur. Quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie? C'est une prière qui fait peur, ça. Si jamais Dieu ne te parle pas, va voir ta femme, Dieu il a tout dit, ce que tu as besoin de changer dans ta vie. Dans « Connaître et faire la volonté de Dieu », nous lisons ceci. « Notre conception habituelle de la prière n'est pas celle du Nouveau Testament. Pour nous, la prière est un moyen de nous procurer ce qui nous manque. D'après la Bible, c'est un moyen pour nous de connaître Dieu. La prière ne change pas les choses en tant que telle. Plutôt, la prière me change et Dieu m'appelle à changer des choses. » Vous savez, la prière a la puissance de rendre Jésus réel pour les gens. Il y a quelques années, quand je vivais à Montréal, je revenais d'un parc, j'aimais bien aller prier au parc. Je voyais l'étoile qu'on voit à partir de Montréal, parce qu'à cause de la pollution, on ne voit pas grand-chose. Et je suis en train de marcher, puis je chantonnais, j'aime bien chanter. Puis à un moment donné, il y a une personne qui s'approche de moi, puis il me dit, « As-tu l'heure? » Fait que déjà, il est 10h30 le soir, tu promènes Saint-Denis, Saint-Zotique à peu près, puis oui, 10h30. Ah, il dit, merci. Il se tourne vers moi, nous, il dit, t'es-tu Robert? Écoute, quand quelqu'un commence à te poser des questions sur le coin, puis il cherche un meeting avec quelqu'un, tu poses des questions. Je dis, non, moi, c'est Jean-Sébastien, fait que je donne la main. Il dit, ah, moi, c'est comme si. Comme quoi? C'est comme si. Alors, il me dit, moi, j'ai dit, je suis un nettoyeur. Puis, on était en face, justement, d'un nettoyeur. Moi, dans ma tête, là, ça a parti tout seul. La musique du parrain. Écoute, quand tu es dans la petite Italie, puis qu'il est un nettoyeur, puis qu'il se promène, puis qu'il cherche quelqu'un dehors la nuit, là. Fait qu'il dit, toi, tu fais quoi? Puis, j'étudiais au séminaire biblique à ce moment-là. Moi, j'étudie la théologie. Il dit, ah oui, il dit, c'est intéressant, ça, c'est quoi? En fait, on étudie comment est-ce qu'on peut connaître qui Dieu est. On continue à marcher. Ah, c'est intéressant, ça. Et là, tu sais, on a le cœur dur. Tu sais, des fois, on a juste... Le Seigneur met des gens sur notre chemin. Puis, le Seigneur envoie quelqu'un d'autre sur son chemin. Tu sais, mais... Puis le Seigneur, on est là, puis... J'arrive au coin de ma rue, puis vraiment, le Saint-Esprit met quelque chose sur mon cœur, puis il me dit, « Demande-lui, selon lui, c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? » Seigneur, ça me tente tellement pas, là. Non, vas-y! Alors, je le regarde, c'est comme si. Je dis, si j'avais à te poser la question, c'est quoi, selon toi, la bonne nouvelle de Jésus? Qu'est-ce que tu dirais? Puis, il me regarde, puis il dit, waouh! Ça, c'est une bonne question. Mais pas ce soir. Et là, en bon chrétien, je me suis dit, yes! Mais le Seigneur, des fois, il n'en a pas fini avec nous. Alors, le Seigneur met sur mon cœur, il dit, demande-lui comment tu peux prier pour lui. Je le regarde, c'est comme si j'avais déjà perdu la première bataille. Fait que, il dit, c'est comme si, comment est-ce que, s'il y avait une chose pour laquelle je peux prier pour toi, ce serait quoi? Il regarde, il dit, prie pour que j'aie la paix dans mon cœur. Puis je dis, est-ce que tu me permets de prier maintenant pour toi? Maintenant! Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit oui. Et alors, j'ai prié à ce moment-là pour lui. Et dès que j'ai prié que Jésus se manifeste à lui, qu'il connaisse Jésus, quand j'ai eu terminé, il m'a donné son numéro de téléphone. Il dit, je veux qu'on se parle, je veux que tu me parles de ton Jésus. Puis la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est, est-ce que tu as des pantalons? Non, il dit pas eux autres. Il dit, moi, je suis un nettoyeur, je veux te nettoyer tous tes pantalons gratuitement. Quelques jours plus tard, je sors de chez moi, qu'est-ce que je croise pas dans la rue? Comme si. Tes pantalons! On est revenu chez nous, j'ai donné tous mes pantalons. Il est parti avec, mais là, j'en ai gardé au moins un. Là, mais, il me rappelle 2-3 jours après, et je m'en vais et je monte dans son nettoyeur, deuxième étage, il avait fixé, réparé, repassé, il a tout fait le kit. Et là, il voulait que je parle de Jésus. Si vous me connaissiez, vous saurez, je ne bois pas de café. Je trouve que c'est une substance infecte. Désolé pour ceux qui aiment le café, pas capable. Et là, mon ami, là, il m'avait préparé. Du moins, c'est comme ça que je m'en rappelle. Puis là, j'ai regardé la coupe. J'ai dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non ma volonté, mais la tienne. Puis après ça, j'ai dit une autre parole biblique. Au lieu de dire, j'ai soif, j'ai dit, as-tu du sucre? Puis je ne sais pas où est comme si aujourd'hui. Il n'est pas répondu à l'Évangile. Ou du moins, jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Mais le Seigneur, je ne suis pas arrivé en dompant toute l'information. J'ai prié pour lui. Juste prier pour lui. Puis ça a ouvert. Parce que des fois, on va dire à la personne, je vais prier pour toi. Non. Prie pour lui. Là, il va voir c'est quoi. Tu parles à qui il parle. Tu parles à quelqu'un, quelqu'un qui a la puissance de transformer le monde. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. C'est deux fois dans Notre Père que le mot « aujourd'hui » revient, comme si Jésus s'attendait qu'on le priait à chaque jour. Il y a une dépendance. Vous savez, à quelque part, ne pas prier envoie le message à Dieu que nous n'avons pas besoin de lui. Luther disait, « Si je passais qu'une seule journée sans prier, je perdrais un bon lot du feu et du zèle de ma foi. » Pardonne-nous nos torts, nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous de céder à la tentation et délivre-nous du mal. Prier, c'est se reconnaître à chaque jour pécheur. Si on dit à chaque jour. Il y a un verset à la fin du Notre Père qu'on n'a aucune idée quoi faire avec. C'est de ceci. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre frère, mon Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. On est là comme on est vraiment un problème. Mais là, tu sais ce que ça veut dire pour notre salut, ça, parce que Dieu ne nous pardonne pas. Puis arrête de te poser des questions théoriques. Regarde ce que Dieu dit dans la pratique. Le pardon est tellement fondamental à la vie chrétienne que Jésus, après le Notre Père, nous dit, « Hey, si tu ne pardonnes pas tout ton cœur comme Dieu t'a pardonné, something's wrong. » Oui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait. Quand j'avais 18 ans, mon père biologique est parti avant ma naissance. Quand j'ai eu 18 ans, le jour de la Saint-Valentin, mon père, au lieu de dire à ma mère, je t'aime, puis on va s'aimer toujours, on va dire à ma mère, je t'aime plus, puis je ne sais pas si je t'ai déjà aimé. Puis comme il n'était pas mon père biologique, il n'avait jamais fait les papiers pour m'adopter légalement, il a décidé de couper tous les ponts pour ne pas avoir à payer de pension. Puis, ma mère, aujourd'hui, est terriblement malade, mais elle vit seule. Il n'y avait personne avec pour l'aider. Je paye le prix à chaque jour parce que mes enfants n'ont pas de grand-père. Je n'ai pas quelqu'un que je peux me tourner pour aller poser des questions de sagesse ou autre. On paye un prix. Je me rappelle, j'allais à l'église à Montréal, à Annecy, puis je revenais en vélo. Puis j'aime à dire, le Seigneur a pété ma roue. Puis j'allais à Annecy, c'est dans le nord-ouest un peu de Montréal, puis j'habitais à Pointe-aux-Trembles, puis je le faisais en vélo. J'étais rendu à peu près à moitié à Rosemont, puis mon vélo a tombé. J'étais un pauvre étudiant, je n'avais pas une scène, je n'avais même pas d'argent pour me payer un billet d'autobus. Là, je devais marcher jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Ça te donne le temps de penser. Puis je me rappelle, puis je priais le Seigneur, puis « Seigneur, si, pourquoi est-ce que tu n'enverrais pas la foudre dessus? » J'ai déjà entendu ça dans la Bible. Non, mais il me semble qu'il mérite. Là. Puis l'image que le Seigneur, ça n'arrive pas à tous les jours, mais l'image que le Seigneur m'a mis devant moi, c'était la croix. Puis il m'a dit, Jésus a payé pour ce péché-là aussi. La raison pour laquelle tu peux lui pardonner, ce n'est pas parce qu'il vient te demander pardon. La raison pour laquelle je peux pardonner, même si c'est une grande offense, c'est que Jésus est mort à la croix. Que j'ai été pardonné. Pardonner ne veut pas dire réconcilier. Parce que si l'autre personne ne veut pas être réconciliée, ben, tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, tu ne peux pas le forcer à boire. Mais le Seigneur nous demande de pardonner indépendamment. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur à la personne qui t'a fait du mal, pour rester bien longtemps à la même place. Puis même des fois en tant qu'Église. Le Seigneur, parfois, bloque nos églises parce que nos cœurs ne veulent pas pardonner. Mon beau-père avait vécu des situations en Église, puis 25 ans après, il en parlait encore comme si c'était rien parce qu'il laissait l'amertume partir. Mais l'apôtre Paul nous dit que l'amertume, c'est comme un cancer qui nous ronge partout. Je pense que c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle le besoin du pardon quotidien. Puis il y a même une place dans la Bible pour les péchés que tu ne te souviens plus. Seigneur, même dans ceux que je ne me souviens pas, pardonne-moi. Délivre-nous du mal, du malin. Tony Campolo était venu à Montréal quelques années, puis il racontait cette histoire, puis c'est une histoire assez formidable. Il avait été dans une réunion de prière un mercredi soir. Des fois, on se pose la question, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose des fois dans nos réunions de prière. Mais il arrive là, puis il y avait un nouveau chrétien, puis il était tout feu, tout flamme. Puis à un moment donné, il commence à prier. Il dit, Seigneur, le voisin prie. Seigneur, je te prie pour mon voisin Bob, qui habite au 767 rue Peel. Puis Tony Campolo, il dit, bon, il y a un peu plus, il donnait son code postal. Là. Je dis, Seigneur, il sait où est-ce qu'il habite, là. Et donc, il raconte que le voisin était en train de processus de quitter son épouse et tout ça. Reste comme ça, la soirée se termine et Tony Campolo arrive dans son auto. Sur le bord de la route, il y a un gars qui fait du pouce. Puis Tony, c'est un évangéliste. Fait que je veux dire, alors, quelqu'un sur le pouce, c'est quelqu'un qui est emprisonné avec toi pour que tu partages l'évangile. Fait que, il prend, puis il dit, salut, dis-moi c'est Tony, dis-moi c'est Bob. Tony se tourne vers lui et dit, tu quittes ta femme? Malaise. L'auto est déjà parti. Ça, j'aimerais mieux pas en parler. Continue. Puis là, on passe devant la sortie pour la rue Peel. Tony prend la sortie. Puis là, il regarde, dit, où est-ce que tu t'en vas? Je te ramène chez vous. Et il arrive justement devant le 567 de sa rue. Il a partagé l'Évangile, puis par la suite, il est rentré en dedans. Puis il a partagé l'Évangile, ils sont venus au Seigneur, puis au moment où Tony nous racontait l'histoire, ces gens-là aimaient encore, là, ils suivaient le Seigneur. C'est incroyable, maintenant, comment le Seigneur peut faire des choses au travers de la prière. Seigneur, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas plus? Bien, est-ce qu'on pourrait se poser la question que peut-être qu'on a besoin, justement, d'être plus en présence de Dieu? La fin de la prière dit ceci, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour maintenant et à jamais. Ainsi soit-il. Vous savez, avant on disait ainsi soit-il, mais amen, ça veut dire ainsi soit-il. Puis la fin de la prière, comme le début de la prière, replace Dieu à sa place, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Vous savez, il n'y a rien de magique dans la prière. La prière, ce n'est pas de la visualisation ou de la pensée positive. Comme Augustin le disait, quand tu pries, fais comme si tout dépendait de Dieu. Et quand tu agis, agis comme si tout dépendait de toi. Parce que Dieu nous amène, il nous appelle à agir. Mais à le mettre en priorité. La prière nous amène à ne pas nous inquiéter de laisser le résultat entre les mains de Dieu. La prière est une profession de dépendance envers Dieu. La prière est un moyen par lequel Dieu te transforme, me transforme. Par la prière, nous pensons aux autres, à ceux qui sont perdus, à ceux qui ont besoin de nous. Au travers de la prière, Dieu nous parle et nous montre ce que nous avons à changer. Au travers de la prière, nous demandons à Dieu de nous aider et nous lui confions notre crainte et nos cœurs. Et nous avons un réconfort dans le Saint-Esprit en ce que lorsque nous ne savons pas comment prier, il intercède pour nous. Puissons-nous faire nôtre la prière de Thomas à Kempis, qui a écrit à la fin du 14e siècle le livre « L'imitation de Jésus-Christ ». Il prie ainsi, « Donne-nous, ô Seigneur, des cœurs fermes qui ne se laissent pas ébranler par des affections fausses. Donne-nous des cœurs courageux qui ne se laissent pas abattre par les tribulations. Donne-nous des cœurs droits qui ne se laissent pas égarer par les objectifs impurs ou indignes. Donne-nous aussi, notre Seigneur et notre Dieu, l'intelligence pour te comprendre, le zèle pour te rechercher, la sagesse pour te reconnaître, et la fidélité qui nous permettra de te voir face à face. Amen. » Merci pour votre présence aujourd'hui. J'aimerais passer, si c'est possible, tout simplement, peut-être, je ne sais pas si une ou deux personnes peuvent juste la faire passer. C'est un peu la présentation de ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous savez, si vous l'avez à cœur, on vous remercie encore une fois de nous soutenir en